Les chasseurs de nazis. Chapitre 5, les dessous de la traque. Quatrième épisode. Ladies and gentlemen, Israeli authorities require for security reason. All passengers have to remain seated fastened until we arrive at parking stand. Thank you for your understanding. La traque, c'est celle d'Aloïs Brunner, responsable de la solution finale en France, et qui a déporté notamment le père de Serge Klarsfeld en 1943. Aloïs Brunner qui s'est réfugié ensuite en Syrie. C'est là que le Mossad essaye de le tuer, comme le raconte Yossi Melman, journaliste israélien spécialiste des questions de renseignement. Immédiatement après Eichmann, le Mossad a envoyé un colis piégé, une enveloppe piégée à Aloysius Brunner en 1961. L'opération a échoué. C'est long à raconter. En fait, le responsable de l'opération se trouvait à Paris. Il opérait à partir de l'ambassade d'Israël à Paris. C'était Yitzhak Shamir. Shamir, under the British mandate, pendant le mandat britannique, était le chef d'une petite organisation clandestine, une organisation terroriste, si vous voulez, qui tuait des Britanniques et aussi des Arabes lorsqu'Israël était sous mandat britannique. Puis il a rejoint le Mossad et il était responsable des opérations dans les pays arabes, y compris la Syrie. Et plus tard, il est devenu ministre des Affaires étrangères, puis premier ministre d'Israël. Bon, Shamir a envoyé un de ses agents opérationnels. Il a envoyé un de ses collègues opérationnels en Syrie pour une reconnaissance. L'agent est rentré, a rendu compte qu'il avait trouvé Aloïs Brunner, qui se faisait passer pour un certain Dr. Georg Fischer. Il travaillait comme consultant en sécurité pour le gouvernement syrien. Puis il a renvoyé le même homme via Beyrouth à Damas avec une lettre piégée. L'idée était de faire remettre la lettre piégée à Aloïs Brunner par un des commerçants de sa rue. Mais quand il est retourné à Damas, cet agent s'est rendu compte que le commerçant, un menuisier je crois, avec qui il avait fait connaissance, avait fermé, il était parti, et les shops étaient fermés. On ne savait pas quoi faire. Il ne voulait pas remettre lui-même la lettre. Il pensait que Aloïs Brunner serait très suspicieux s'il frappait à sa porte. Il est donc allé à la poste centrale et a expédié le colis. Malheureusement, le colis a explosé entre les mains d'une employée qui a été blessé, et une autre personne a aussi été blessée. Donc en 61, ils ont tenté de tuer Aloïs Brunner, mais ils ont échoué. Puis lorsque Begin est arrivé au pouvoir en 1977 et qu'il a ordonné au Mossad de reprendre la chasse à l'homme, Brunner était aussi sur la liste. Et à nouveau, ils lui ont envoyé une lettre piégée. Cette fois, il a ouvert le colis. Mais pour des raisons opérationnelles, des drôles de raisons d'ailleurs, ils voulaient envoyer la lettre d'Autriche. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Brunner était sur une liste d'expédition d'une entreprise autrichienne qui lui envoyait des tisanes. Il faisait partie de cette mouvance à la recherche d'une vie saine, végétarienne. Et le Mossad avait volé des enveloppes de cette entreprise, de leur bureau en Autriche. Ils ont emporté ces enveloppes en Israël et ils ont mis des explosifs dans l'enveloppe. Puis ils sont retournés en Autriche et ont voulu glisser le colis piégé dans une de ces boîtes à lettres rouges de la poste autrichienne. Mais l'enveloppe était trop grande. Il fallait une enveloppe plus petite. Ils ont donc envoyé une enveloppe plus petite avec moins d'explosifs. Le colis a explosé, mais Brunner n'a perdu qu'un œil. Et c'est tout. Serge Klarsfeld a aussi traqué Aloïs Brunner. Retour sur quelques actions entreprises avec sa femme Beate. Brunner On a observé dès les années, c'était en 77. En 77, on n'avait pas beaucoup de temps, mais on est quand même allé à Vienne. On a pris deux détectives privés pour faire une enquête. On a vu que la femme de Brunner, dont il n'était pas divorcé, disposait d'un très grand appartement, que sa fille était conseiller juridique. On a observé, on a pris des détectives privés qui ont, eux, obtenu le téléphone de Brunner pour une incursion chez sa fille. Et Beate a téléphoné à Brunner en disant qu'elle était la secrétaire de quelqu'un qui travaillait dans la justice et dont le père avait travaillé avec Brunner. Et bon, ça lui a semblé sans doute plausible à Brunner. Et Beate lui a dit « Mon patron m'a chargé de vous téléphoner pour vous recommander de ne pas aller en Suisse faire soigner vos yeux, parce qu'on avait vu qu'il avait perdu un œil dans un attentat. » Donc on a sorti cette histoire. Et il a répondu « Je vous remercie, je prie pour votre patron. » Et Beate a téléphoné à la femme de Brunner pour lui dire exactement la même chose, « Prévenez votre mari. » Elle a dit « Merci aussi. » Donc on savait que Brunner et Fischer étaient le même personnage. Quand on s'y est mis, en 82, j'ai choisi le moment où, le lendemain du jour où Israël avait abattu, je crois, 80 avions syriens, je suis parti à Damas avec le dossier de Brunner pour faire revivre l'affaire Brunner. On m'a refoulé de l'aéroport, j'ai transmis mon dossier, mais on m'a refoulé de l'aéroport, j'avais pas de visa. Nous avons déclenché les procédures judiciaires, c'est-à-dire qu'on a porté plainte contre Brunner en Allemagne, en France, on est allé voir le ministère des Affaires étrangères allemand, français, pour demander une demande d'extradition. On a demandé en Allemagne également, à l'Allemagne de l'Est, qui était plus assez puissante à l'époque en Syrie, pour qu'ils demandent l'extradition. On s'est heurté partout à un refus. Beate a demandé à Jesse Jackson, qui avait été candidat aux élections, mais qui avait eu de bons rapports avec Assad et qui avait fait libérer un aviateur américain. Jackson est intervenu auprès d'Assad. Bon, mais toutes les tentatives diplomatiques se sont heurtées à un refus. Beate est partie avec un visa en 87, elle a été refoulée. Je suis revenu en 90 avec cette fois un visa d'affaires. Sans doute l'ambassade ici à Paris en a eu assez, a voulu se débarrasser du problème à Damas. J'avais rendez-vous avec le vice-ministre des Affaires étrangères, il a annulé au dernier moment. Bon, j'ai rencontré l'ambassadeur français, l'ambassadeur allemand. On avait obtenu une demande d'extradition verbale de la part de l'Allemagne fédérale. Et de la part de la France, nous avons obtenu de la part de Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères, que nous connaissions, on a obtenu aussi qu'il soulève le cas à Damas. Enfin, il l'a fait, mais sans résultat. Et en 90, j'y suis allé, donc, ne sachant que faire après le refus de me recevoir. J'ai demandé à l'hôtel de me louer un théâtre pour donner une conférence sur Barbie en Bolivie et les criminels nazis, et Brunner en Syrie. Et du coup, le lendemain matin, la police est arrivée très courtoisement pour me mener à un avion qui partait pour Vienne. Donc c'est moi qui suis allé à Vienne et pas Brunner. La légende dit que dans cet avion, vous vous asseyez à côté de quelqu'un d'important qui vous donne des informations. Oui, tout à fait. Je me suis assis moi-même là où il y avait une place. Et c'était quelqu'un qui, effectivement, avait sa famille qui habitait la même maison que Brunner. Les gens de sa famille ou les voisins avaient vu partir Brunner. C'était après le voyage de Beate en 91. Et il ne faut pas non plus oublier que nous l'avons fait condamner par la cour d'assises à Paris par contumace en 2001. Ça a été le dernier des procès auxquels on s'est véritablement intéressé. À demain. Pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.